À Solange Clésingé, Nohant, vers le 10 juillet 1853. Tu dois avoir reçu maintenant un mot de moi, où je te disais d'aller toucher de mois en mois 150 francs chez Berruthier, à partir du mois de juillet. Je continuerai tant que cela te sera nécessaire. Espérons que Clésingé gagnera de l'argent et que vous vous mettrez tous deux assez d'ordre dans vos affaires pour que tu n'aies plus besoin de cette petite pension qui n'est là que pour parer aux événements imprévus. Je travaille à me déshabituer de ma Ninette. Il m'en coûte beaucoup. Mais si tu ne dois pas la garder et t'en occuper sérieusement, je ne désire pas ne la voir qu'en passant, pour en être brusquement séparée tout d'un coup et la reprendre, la quitter, sans raison majeure et sérieuse. J'ai le malheur de m'attacher aux êtres dont je me charge, et je n'aime pas du tout l'imprévu. Séparé de ton mari, ayant une existence difficile et précaire, il était tout simple que Nini fût dans mon giron. Si vous êtes bien d'accord maintenant, si vous pouvez arranger votre vie pour le calme et la durée, je sais, je sens que tu dois avoir ta fille et l'élever toi-même. Il me semblait dans l'intérêt de l'enfant qu'il eût été sage de s'assurer de la situation avant de la reprendre. Si la réconciliation ne se soutient pas, tu vas me rapporter Nini malade, déroutée, irritée, difficile à manier. Si je la reprends alors, ce sera pour un certain temps, j'espère. Je ne veux pas d'allées et venues continuelles. Le mieux sera de s'entendre et de donner la preuve de ta raison et de ta sollicitude pour elle, en lui consacrant toute ta vie. Sois donc un peu sédentaire à présent. Quelque bonne, bonne que tu es, il y faut à tout moment ton œil, à Paris surtout. Il faut que je t'avertisse que Marie ne te restera pas. J'ai su, le lendemain de ton départ, qu'elle était fiancée et engagée avec le cousin de Sylvie et que les accords pour le mariage étaient faits pour le mois prochain. Est-ce bien certain? Tous le disent à présent. Pourquoi ne l'ont-ils pas dit la veille? Voilà comment ils sont. Et pourquoi va-t-elle à Paris au moment de revenir se marier? C'est donc pour se payer un voyage d'agrément? On ne comprend rien à ces têtes-là. Tâche de savoir la vérité et sois toujours en mesure pour ne pas te trouver au dépourvu. Pauvre Nini, s'il faut qu'elle change de bonne tous les 8 jours, elle va s'aigrir singulièrement. Embrasse-la pour sa bonne femme de bonne maman, comme elle disait dans ses jours d'expansion, pour son vieux Chamiot, pour Manceau, pour Lambert, pour Solange aussi, qui la pleure à en perdre les yeux. Si tu fais part de mes lettres à ton mari, dis-lui mes amitiés et celles de nous tous. Tâche que tout aille bien. Tâche que Nini soit heureuse. Je t'embrasse, ton frère aussi. Amitié de tous. Nous sommes dans le chaos de la mise en scène. Mademoiselle Fernand y met un zèle admirable. C'est une fatigue extrême jusqu'à présent. Les jeunes gens sont très bien. La jeune première très gentille. Mais je persiste à dire que ce n'est pas le milieu où je désire te voir chez moi. Tu n'es pas actrice, tu ne fais pas de pièces. Tu peux te lier à Paris avec qui tu veux, mais je ne veux pas que ton mari et ton entourage puissent contrôler les connaissances que tu ferais ici. Chacun dans son milieu. Le mien a sa raison d'être. Fais le tien à présent, approprié à ta situation. C'est un grand point.